Exercice 8, page 132. Virlangue. Tes 9 enfants ont enfin 9 ans le 20. Tes 9 enfants ont enfin 9 ans le 20. Tes 9 enfants ont enfin 9 ans le 20.